France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. À la fin des années 60, interrogée sur France Culture par Claude Dufresne, Pauline Carton prétendait qu'elle était en train de perdre la mémoire. Fâcheux pour raconter sa vie. Mais le producteur ne demande pas de date précise, ni une relation très cadrée de la carrière de celle que l'on imagine, toujours en soubrette, chez Guitry ou ailleurs. Pour Pauline Carton, les gens de théâtre, on est comme des enfants en classe, nous les acteurs lorsque nous sommes sur scène, les gens de théâtre donc sont charmants, et Claude Dufresne de juger merveilleuses toutes les anecdotes. Sacha Guitry, Marguerite Moreno, Saturnin Fabre, Jean Nohain, Victor Boucher, Charpigny, nous sommes en direct avec la phonothèque de l'ORTF. C'est le titre de cette émission, dont la rencontre avec Pauline Carton fut diffusée sur France Culture le 26 février 1969. Pauline Carton, vous êtes un personnage bien de votre temps et bien de notre temps. On peut dire que vous n'avez jamais eu besoin de courir derrière ce siècle, vous l'avez toujours en quelque sorte précédé. Et chose amusante, le jeune public, dont on dit souvent qu'il se lasse de ses idoles, le jeune public vous connaît parfaitement, vous le faites sourire, vous le faites rire, et pas un instant il ne songerait à penser que vous avez peut-être quelques années de plus que lui. C'est le privilège de certains de pouvoir ainsi conserver cet élixir de jeunesse, mais heureusement vous avez aussi des souvenirs, et je vais vous demander de nous préciser certains de ces souvenirs. J'ajoute aussi, ce qui à mon sens a une certaine importance, que, avec beaucoup de sagesse, vous habitez l'hôtel depuis combien d'années ? 34 ans. Depuis 34 ans. Donc vous êtes à la fois, on pourrait dire inconstante, puisque l'hôtel est par définition la demeure des gens inconstants, et pourtant très constante, puisque ça fait 34 ans que vous y êtes, oui. Et que cet hôtel n'est pas n'importe quel hôtel, puisque j'y ai lu sur une plaque qu'en 1779, la reine Marie-Antoinette y était venu pour rencontrer le général de Lafayette à son retour des États-Unis, qui n'étaient pas encore les États-Unis d'ailleurs. Tout ceci ne nous rajeunit pas, revenons-en, si vous voulez, aux souvenirs plus récents et à ceux que vous avez eus. Vous avez connu beaucoup de gens de théâtre, notamment. Ah oui, ça, évidemment, seulement j'en ai oublié beaucoup, parce que pour le moment, je suis en train de perdre la mémoire. C'est très désagréable, ne faites jamais ça. Il y a un moment où on devrait claquer, c'est quand on commence comme ça à s'évanouir dans l'espace. Mais je crois qu'effectivement, ça doit être assez désagréable, mais je crois qu'il vous en reste quand même encore un petit peu. Et je voudrais savoir comment vous avez connu notamment un homme avec lequel vous avez beaucoup travaillé, et dans les films duquel on vous a bu beaucoup, Sacha Guitry. Ah, c'est tout à fait par hasard. C'est parce que, à ce moment-là, il montait la pièce Désiré, n'est-ce pas ? Et alors, pour Désiré, il y avait une cuisinière au premier acte, et un beau jour, Betty Dossemont, qui donnait à déjeuner, dit à ses invités, nous sommes ennuyés, nous répétons Désiré, il n'y a toujours personne pour la cuisinière. Et Sacha veut absolument quelqu'un qui soit maigre et non pas une grosse cuisinière comme la plupart des femmes sont dans les vaudevilles et dans les pièces. Alors, je n'en connais pas. Alors, la bonne qui servait à table a dit « Mademoiselle ne se rappelle pas la personne qui jouait la cuisinière dans la guitare et le jazz band ». C'était une pièce qu'on avait jouée 4 ou 5 ans auparavant aux Nouveautés. Et voilà, sans la cuisinière de Betty Dossemont, certainement, je ne serais jamais entrée là. Et c'est comme ça que vous avez donc connu pour la première fois Sacha Guitry. Exactement. Comment s'est-il comporté avec vous et merveilleusement comment... bien, comme avec tout le monde d'ailleurs. Parce que, n'est-ce pas, être dirigé par quelqu'un qui est acteur, et dans le métier d'être acteur, c'est tout à fait différent d'être dirigé par quelqu'un qui est financier. Alors généralement, vous êtes traité d'une façon qui ne va pas du tout avec vos élans, vos besoins... vos directives, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus content quand c'est quelqu'un qui est vraiment de ce métier-là. Mais c'est très rare, très rare. Comment se comportait-il précisément avec vous en particulier ? Comment mettait-il en scène ? Comment vous dirigeait-il ? Et comment était-il en tant que camarade de travail ? Merveilleux, et surtout avec tout le monde. Le dernier des machinistes était très bien traité, puisqu'il était de théâtre, il le respectait infiniment. Alors on était traité très bien, on était, quand on répétait, je me rappelle que par exemple, la première scène de Désiré se passe dans une cuisine, où il y avait une femme de chambre qui était Betty Dossemont, et une cuisinière, il nous dit, voilà, il est 9h du soir, il fait très chaud comme dans toutes les cuisines à cette heure-là, vous êtes un peu fatigué de la journée, pour le moment le travail commence à s'appesantir, ça n'a pas beaucoup d'importance, et vous causez lourdement comme des femmes qui ont trop chaud. Maintenant, faites exactement ce que vous voulez. Vous vous ferez la vaisselle, vous vous rangerez tels et tels objets. Et puis faites tout ce que vous voulez, ce que vous ferez bien, je le garderai. Le reste, je le changerai. De cette façon-là, les acteurs avaient énormément de souplesse. On a dit toujours que c'était un personnage de légende et qu'il s'employait à entretenir cette légende. Était-ce exact ? Non, certainement non. Je me souviens, non pas à propos d'une pièce, mais à propos d'un film, d'une scène particulièrement amusante que vous aviez avec Sacha Guitry, c'était dans un film qu'il avait tiré de sa pièce Quadrille. Et à un moment donné, dans ce film qu'il jouait avec Gaby Morlaix, oui. Gaby Morlaix venait de faire une tentative de suicide, qui avait en vérité été une tentative destinée à lui ramener l'amour de son ami sérieux, Sacha Guitry, et il guettait son réveil. Il guettait son réveil et de temps en temps, vous l'attiriez vers vous, vous étiez la femme de chambre de l'hôtel, où s'était suicidé faussement Gaby Morlaix, et vous l'attiriez vers vous en lui disant de temps en temps quelque chose qui n'avait absolument aucune importance, et vous ajoutiez toujours, comme disait ma pauvre maman. À un moment donné, il vous répondait avec une allure extraordinaire, « Si vous saviez comme je peux me foutre de madame votre mère. » Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Non, pas du tout. Eh bien, vous voyez, moi, ça m'avait frappé... Ah, c'est gentil de me rappeler mes souvenirs que je devrais savoir. Ça avait frappé mon imagination. Vous avez joué beaucoup avec lui pendant combien d'années ? 15 ans, 18 ans. Il avait une sorte de fidélité, n'est-ce pas, ces acteurs ? Ah, énormément. Il avait presque une troupe, en somme. Il employait beaucoup. Kerli Alerme. Est-ce qu'il était secret sur ce qu'il faisait ou est-ce qu'il se livrait facilement ? Non, pas du tout. Ah, non. C'était un être extrêmement agréable. Vous ne supposez pas que j'y serais resté 18 ans si ça avait été autrement. Je crois qu'il vous est arrivé, entre autres, un petit incident pittoresque avec Sacha Guitry et Pauline Carton. Oh oui, il nous est arrivé beaucoup d'incidents pittoresques. C'était rempli de pittoresques, vous savez, la vie avec lui. Rempli. Alors, nous étions à Nice et on était en train de tourner le roman du Tricheur. Naturellement, Sacha Guitry habitait au Negresco. Moi, j'habitais dans un autre hôtel, à quelques 200 mètres de là. Et puis, on était en train de tourner dans un studio insensé qui était plein de champignons qui poussaient par terre. C'était là-bas, le long de la rivière. Vous savez, dès qu'on avait dépassé le pont, vous voyez, c'est la ici. La Victorine, oui. Non, la Victorine était beaucoup plus aristocratique que nous, un petit studio. Et alors, le soir, on tournait depuis le matin, il était minuit et demi, il voulait continuer à tourner. Moi, je prends feu, je dis, c'est insensé, j'ai envie de dormir, tout le monde a envie de dormir, et je m'en vais. Et je pars. Je pars sur les routes, je pars à pied, il me fait rattraper par le chauffeur qui me ramène à mon hôtel, je me déshabille, je m'aperçois que j'avais sur moi tout ce qu'il avait eu dans ses poches un moment avant, car comme il n'y avait pas d'habilleuse ce soir-là, il m'avait confié toutes les choses qu'il enlevait de ses vêtements qu'il avait ôtés pour en mettre d'autres pour une scène. Alors moi, je me trouvais à avoir des paquets de billets de banque, des chèques, des lettres, un tas d'histoires, censées des bijoux. Enfin, c'est la gueule que je pouvais faire en me déshabillant et en constatant tout ça sur moi. Alors, très embêté, j'ai eu heureusement une bonne idée. J'ai téléphoné à l'hôtel Negresco qu'on m'envoie la femme de chambre, Marguerite, et que la brave Marguerite se fasse accompagner par le détective de l'hôtel. Alors, ils sont arrivés tous les deux, ils ont pris livraison de tous ces objets, ils sont repartis. Mais le lendemain, je n'emmenais pas large en allant me balader au Negresco vers 11h30 du matin. J'avais rencontré dans l'escalier le chauffeur qui m'avait fait signe, « Qu'est-ce que vous allez prendre ?» Alors j'étais un petit peu embêté et je le trouve, Sacha Guitry, assis derrière une table où il avait étalé tout ce que j'avais rapporté. Il y en avait, c'était effrayant. Et au moment où je m'attendais à être au moins foudroyé, il m'a dit, « C'est tout ce que vous avez trouvé pour lire ma correspondance. » N'écoutez pas, mesdames, car c'est aux hommes que je m'adresse, bien entendu. Enfin, à la plupart des hommes. À ceux de mon espèce, tenez. C'est-à-dire à tous ceux qui adorent les femmes. Les autres peuvent bien se marier autant de fois qu'ils le veulent et comme ils le désirent, ils ne risquent pas grand-chose, ceux-là, et ils n'ont pas voix au chapitre d'ailleurs. Non, car il faut adorer les femmes pour avoir le droit d'en parler, puisque parler des femmes, c'est en dire du mal. Et c'est en dire du mal pour la bonne raison que quand on dit du bien de quelqu'un ou de quelque chose, on en a tout de suite fini. Donc dire du mal des femmes, c'est vouloir en parler longuement, pour bien marquer l'importance qu'elles ont et la place considérable qu'elles tiennent dans notre existence. Oui, je m'adresse à ceux qui, comme moi, ne conçoivent pas la vie sans elles et ne peuvent pas s'en passer plus de 2 heures par jour, à ceux qui s'imaginent qu'elles sont en danger de mort sitôt qu'elles sont loin d'eux et qui se croiraient déshonorées si leur nom n'était pas porté par une femme, alors que bien souvent elles le déshonorent. Je profite en ce moment du fait que je suis seul pour vous dire ces choses, confidence de personnage spectateur et rien de plus, mais sitôt que quelqu'un apparaîtra, je cesserai brusquement de m'adresser à vous. Vous ne m'en voudrez pas, je pense, et vous comprendrez que je ne veuille pas leur donner à tous ici le mauvais exemple, car je les connais. Ils ne manqueraient pas de le faire à leur tour, ils en abuseraient peut-être, et je préfère en tout cas m'en réserver le privilège. Oui, je m'adresse à ceux qui adorent les femmes, ou plus exactement, qui croient les adorer. Car si nous avions la franchise de nous avouer à nous-mêmes les raisons qui nous déterminent à prendre femme, je crois que nous serions le plus souvent surpris de ce qu'elles ont à la fois d'obscur, de puéril et de paradoxal. Car Nous rendons-nous compte enfin que lorsque nous épousons une femme, nous modifions la situation dans laquelle elle se trouvait le jour où nous l'avons rencontrée, le jour où elle nous a plu. Or, ne nous a-t-elle pas plu parce qu'elle se trouvait précisément dans cette situation-là? Je m'explique. Elle était mariée, je suppose. Nous en sommes devenus, follement amoureux. Nous l'avons fait divorcer. Nous l'épousons et nous nous apercevons trop tard que c'est parce qu'elle était mariée que nous en étions devenus follement amoureux. Nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante, et c'est normal, c'est adorable, une femme libre. Mais dès l'instant que nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle peut en conséquence nous plaire beaucoup moins. Oui, regardons les choses en face, voulez-vous, et reconnaissons la fragilité des motifs qui nous ont poussés à choisir celle-ci plutôt que celle-là. Et d'ailleurs, choisir. Enfants que nous sommes, ne nous avait-elle pas choisi une minute avant que nous ne la choisissions? Souvenons-nous de notre première rencontre avec elle. Elle est entrée. Nous avions tout de suite vu si elle était blonde ou brune et nous l'avions instantanément oubliée. Elle ne l'oubliera jamais. Elle avait vu tout de suite si nous étions grands, si nous étions gros, si nous étions en bonne santé, si nous avions les mains soignées et des dents fausses. Et elle savait déjà notre âge exactement, alors que nous continuions à nous extasier sur le dessin, d'ailleurs rectifié, de ses lèvres. Oui, elle avait tout de suite remarqué de nous la cravate, le gilet, le bracelet montre, le ressemelage de nos souliers, la petite cicatrice que nous avons à la joue droite et surtout l'alliance que nous portions à la main gauche. Et déjà, elle évaluait notre fortune, tandis que nous en étions encore à nous demander si ses yeux à elle était gris bleu ou gris vert. Eh bien, le temps que nous avons perdu ce jour-là, nous ne l'avons jamais rattrapé. Et ce jour-là, précisément, la duperie a commencé. Car enfin, disons-le, ce n'est qu'une duperie. Combler tous les vœux d'une femme, l'entourer constamment de 1000 prévenances, s'imaginer que l'on possède une relique, nous prenons cela pour de l'amour, alors que bien souvent, c'est de la vanité pure. Car traiter une femme ainsi, c'est vouloir se convaincre soi-même et persuader les autres qu'on a choisi la mieux, la meilleure de toutes. Et quant à nos offrandes à la divinité, nous aimons à dire que ce sont des actions de grâce, quand généralement ce ne sont que des prières, vaniteux que nous sommes, et poire qui plus est. Car, n'écoutez pas mesdames, nous nous imaginons bien à tort qu'en donnant à une femme tout ce que nous possédons, nous lui donnons tout ce qu'elle désire, mais ce serait trop beau. Et si nous lui donnions tout ce qu'elle désire, elle trouverait alors à désirer des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Et quand elle nous aura mis sur la paille, ne croyez surtout pas qu'elle le regrettera, ni qu'elle nous regrettera jamais. Car tout lui est dû, et quel que soit le nombre et la beauté des présents qu'on lui fait, elle pensera toujours qu'elle en aurait eu le double avec un autre homme. Car elles n'ont pas de considération pour celui qui les gâte. Et quand elle se tue, c'est généralement pour des hommes à qui elle donnait de l'argent. Voilà, tenez, voilà. Voilà ce qu'on en arrive à dire d'elles quand elles se sont mal conduites envers nous, car il est bien évident que je ne m'exprimerai pas de la sorte si ma femme n'avait pas cru devoir passer la nuit dehors. Ah, la petite garce. Oui, il y a 3 semaines encore, si nous nous étions rencontrés, vous et moi, vous m'auriez entendu dire, ah, la femme, merveille des merveilles, exquise raison d'être. Car il est à noter qu'on met la femme au singulier quand on a du bien à en dire et qu'on en parle au pluriel sitôt qu'elle nous a fait quelque méchanceté. Et c'est bien naturel d'ailleurs, car lorsque celle que l'on aime vous donne entière satisfaction, toutes les autres, on les néglige, on les oublie. Tandis que lorsque votre femme vient de se conduire avec vous comme la dernière des dernières, toutes celles qu'on a connues naguère vous reviennent en mémoire avec des rires sarcastiques et des airs de vous dire « Tu vois bien que ça valait pas la peine d'en changer. » Oui, il y a 3 semaines encore, j'aurais chanté la femme et son charme et sa grâce et son intelligence et sa finesse et son courage. Et je me serais incliné devant son dévouement sublime quelquefois. Et j'aurais dit du bien même de ses défauts. Car aimer des défauts, c'est prendre leur défense. Alors que ce matin, je me refuse à reconnaître ses qualités. Ce qui tente à prouver qu'elles peuvent nous faire plus de mal, qu'elles ne peuvent nous faire de bien. Dame, songez que leur amour pour nous peut être simulé de la première à la dernière seconde. Car, n'écoutez pas, mesdames, observez, messieurs, qu'elles peuvent faire semblant. Nous pas, et c'est très important. Déjà, leur instinct me paraît supérieur en toutes circonstances. Mais dès l'instant que nous les désirons, la lutte entre elles et nous devient inégale, puisque d'un regard elles nous donnent des vertus que d'un sourire elles nous reprennent. Et souvenez-vous bien qu'elles peuvent en outre nous donner des enfants qui ne sont pas de nous. Je n'ai pas à insister sur la difficulté que nous aurions à leur rendre l'appareil. Oui, ce matin, vraiment, vous tombez bien mal, à moins que vous n'arriviez très bien. Car au fond, je me demande si la représentation de nos misères morales n'est pas le plus salutaire exemple que l'on puisse donner. Ah, s'il en était ainsi, ma foi, si le triste spectacle de ma vie privée pouvait vous préserver du malheur qui m'arrive, je m'estimerais le plus heureux des hommes. Et si mon expérience personnelle pouvait vous être profitable, ô mes frères, j'irai jusqu'à bénir le destin qui me joue un si mauvais tour. Parmi tous les autres noms prestigieux du théâtre, et d'un théâtre dont on n'a pas idée peut-être tellement aujourd'hui, car aujourd'hui le théâtre a des difficultés de distribution, c'est bien connu, oui, les acteurs savez, font du cinéma. Non, vous savez, ça n'est pas tellement extraordinaire. Vous savez, le brave père Alphonse Karr a dit une phrase magnifique et à laquelle on ne pense pas assez. Il a dit « plus ça change, plus c'est la même chose ». Oui, finalement c'est ça. Finalement c'est ça, et qu'on arrive quand même encore à avoir des pièces de théâtre très solides et qui ont beaucoup de succès. Mais enfin, parmi tous ces grands du théâtre, il y a quand même certains qu'on ne remplace pas. Je pensais à André Lefort, avec lequel vous avez joué, n'est-ce pas ? Oui, oh, Lefort était extraordinaire. Alors lui, c'était le contraire de Sacha Guitry. Il vivait dans une sorte de nuage, et il voyait les gens à une grande distance sur la terre. Il était délicieux, agréable, courtois, mais lointain, charmant, séduisant. Très drôle, très drôle. Mais s'il était à une certaine distance, il arrivait quand même à s'intégrer à ses pièces étonnamment. Ah oui, extrêmement bien, mais il était à une certaine distance des autres individus qui étaient là. Je l'ai vu une fois en tournée, en film qu'on tournait au bord du lac de Bellagio, reconnaître brusquement une dame qui était là en me disant « mais ça a été notre habilleuse pendant 15 ans ». Il se demandait pourquoi elle lui parlait sur un certain ton et il s'est aperçu de ça après. Ah, c'était merveilleux. Mais était-il distrait ou c'était simplement... Non, il était lointain. Oh, il était charmant. Et alors, il détestait jouer avec des doubles, en quoi il avait raison. Un individu, surtout de sa classe, arrive à faire des quantités de choses qui sont le sel et la vie du théâtre, qui sont de toutes petites choses. Naturellement, remplacé par quelqu'un qui dit le texte tout juste et qui n'a pas répété un mot avec vous, ça n'a aucun rapport. Alors, pendant qu'il jouait Tovaritch, il était arrivé un soir d'arriver au théâtre et de monter dans sa loge. Le régisseur était venu et pendant qu'il se maquillait, il m'avait dit « Vous savez, Madame Popesco est un peu malade aujourd'hui, mais demain, elle jouera. » Alors le docteur a dit qu'il fallait absolument qu'elle reste couchée 24 heures. Elle ne peut pas jouer ce soir. Bien, dit Lefort. Un autre régisseur apparaît et lui dit « Monsieur Lurville n'est pas très bien portant. Alors je crois qu'il est plus prudent aujourd'hui qu'il aille soigner son rhume chez lui, je crois. Enfin, mais vous savez, il est très très bien remplacé, très bien doublé. » Il commençait à être absurde en colère. Quand il descend, on lui dit « Le jeune Marconi n'est pas là aujourd'hui, ça en faisait trois. » Il entre sur la scène d'une humeur de dogue. Alors dans le premier tableau, tout en parlant, il trouve le moyen de jeter par terre une tasse qui se casse. En coulisses, on dit « Comment faire ?» On avait besoin de la tasse probablement dans la pièce un moment après. « Comment faire ?» On regarde dans le décor de cuisine qui était tout planté en coulisses. Et on prend un pot de confiture, on en trouve un peu une porte, on lui fait signe. Et pendant qu'il passe près de la porte pour voir ce qui se passait, on lui file le pot de confiture. Il le prend, le montre au spectateur et leur dit « Encore une doublure !» C'est merveilleux. Et on pense, quand on connaît Lefort, avec quelle allure il a dit voilà. Ça, n'est-ce pas ? Vous avez joué beaucoup avec lui ? Oui, assez longtemps. Aux variétés, dans quoi, mon Dieu ? Dans une pièce de Birabeau. Du reste, c'était une erreur parce qu'il était un garçon de café. Inutile de vous dire qu'un garçon de café, il avait l'air d'avoir dirigé tous les cafés de Paris en un seul. Il était charmant. Et vous-même, quel personnage jouiez-vous ? Je ne me rappelle pas du tout. Si je devais faire une mère maquerelle quelconque. Et vous aviez des scènes avec lui ? Je ne crois pas. Non, non. J'accompagnais ma fille tout le temps. Oui, ça s'appelait « La fille et le garçon ». Ça représentait un garçon d'hôtel qui a eu une fille quelconque comme femme. Elle a foutu le camp un beau jour et il la retrouve sous la forme d'une grande cocotte qui est là, qui vient avec sa mère, qui est une mère maquerelle, comme je vous le disais, et avec son amant qui était le délicieux. Oh. Vous voyez comme les noms, ça fout le camp. Ça, c'est le gâtisme. Le gâtisme sénile. Voyons le délicieux qui parlait toujours un petit peu comme ça. Ah, l'adorable Saturnin. Ah, Saturnin Fabre, oui. Alors Saturnin Fabre représentait l'entreteneur de la bonne fille qui venait pour liquider son divorce. Alors ça faisait la fille et le garçon. Voilà comment. Et la pièce était charmante. Mais est-ce que vous avez eu l'occasion de voir André Lefort en tournée ? Non, je ne l'ai jamais vu en tournée. Parce que je crois qu'en tournée, n'est-ce pas, les acteurs ne sont pas toujours tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont quelquefois très embêtés par ce régime et ça se voit dans leur façon d'agir. Ouais. Messieurs, la classe est commencée. Monsieur Jusserand, aujourd'hui encore, vous avez négligé d'arracher la feuille quotidienne. Je vous retire donc le calendrier. Oh ben vrai. Ça veut dire ça, oh ben vrai. Allons. Monsieur Blondet, vos notes de cette semaine sont excellentes. Je vous confie le calendrier. Dépouillez-le donc aussitôt de sa feuille périmée. Merci, monsieur. Demain matin, de 8h30 à 9h30, composition de morale. Inscrivez, je vous prie, la date de ce concours sur vos cahiers de texte individuels, tandis que je l'inscris au tableau noir. Monsieur Kerguezek, j'ai pas besoin de tourner la tête pour savoir que c'est vous qui troublez la classe. Pour nous préparer à la composition de morale, qui aura lieu demain mercredi, nous allons faire aujourd'hui, oralement, une sorte de révision générale. Toutefois, avant de commencer cette révision, je veux m'adresser à l'un d'entre vous, à celui qui, depuis quelques jours, trouble nos classes par une musique inopportune. Je le prie de ne pouvoir commencer sa petite plaisanterie, que je lui pardonne bien volontiers. Allons, je suis sûr qu'il a compris, et que je n'aurais pas fait appel en vain à son sens moral. Bien ! Désormais, j'ai les mains libres. Travaillons. Nous allons examiner ensemble quelles sont les nécessités vitales qui nous forcent d'obéir à la loi morale, même si notre esprit n'était pas naturellement porté à la respecter. Prenons des exemples dans la réalité quotidienne. Voyons. Élève Tronche-Bobine. Ah, monsieur Tronche-Bobine. Pour réussir dans la vie, c'est-à-dire pour y occuper une situation qui corresponde à votre mérite, que faut-il faire? Il faut faire attention. Oui, si vous voulez. Et il faut faire attention à quoi? Au courant d'air. Alors, silence, silence. Élève Tronche, ce que vous dites n'est pas complètement absurde puisque vous répétez un conseil que vous a donné madame votre mère, mais vous ne touchez pas le fond même de la question. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être... Silence, silence, silence. Laissez parler celui que j'interroge. Voyons, élève Tronche, votre dernière note fut un zéro. Essayez de l'améliorer. Voyons, pour réussir dans la vie, il faut être... Horrible. Silence. Zéro. Asseyez-vous. Il faut être honnête. Autre monstre sacré, enfin c'est une définition qu'on emploie beaucoup maintenant un peu à tort et à travers, mais je crois que certains l'ont un peu mérité, autre monstre sacré de la scène et que vous avez bien connu, Pauline Carton, Marguerite Moreno. Ah charmante, alors ça j'ai été longtemps dans son voisinage et je m'en suis toujours très bien trouvée. Elle a toujours été très agréable avec moi, très gentille, et nous avons fait partie d'une des choses les plus merveilleuses qu'on ait faites pendant 2 ans, c'était la correctionnelle, qui était une chose qu'on faisait au Poste Parisien, une émission pour la radio. Et dans cette émission pour la radio, c'était Jean Noël qui représentait le juge. N'oublions pas qu'il a été 19 ans avocat. Je crois qu'il était encore à ce moment-là. Et puis, il y avait 2 vrais avocats. Et tout le monde improvisait son texte. Alors, il y avait des petits menus incidents de la vie qu'on avait cueillis du reste dans la gazette des tribunaux. Et on disait, vous, vous êtes la personne qui était en voiture. Vous, vous êtes l'individu qui a prétendu être écrasé alors qu'il n'a rien qu'une écorchure. Vous, vous êtes le témoin qui était à sa fenêtre, etc. Et nous improvisions. Vous n'avez pas idée comme nous nous sommes amusés pendant tout ce temps-là. Il paraît que du reste que ça tient encore le coup quand on les lit, mais naturellement, ça n'est pas la peine de les faire reparaître. Mais enfin, je sais qu'on les avait conservés très longtemps, ces correctionnels. Et dans les choses bizarres des correctionnels, je vous demande pardon, ça n'a aucun rapport. Mais c'était des vraies choses, naturellement, pour ne pas faire des choses imaginaires. On prenait dans la gazette des tribunaux un événement qui avait passé en correctionnel. Et il y a un monsieur qui avait vendu des morceaux des monuments de Paris à des gens. Ça, c'est curieux. Il vendait 1m50 de la colonne Vendôme, n'est-ce pas, ou bien l'obélisque. Il le vendait à des gens en disant, vous comprenez, ça reste propriété du pays, ce qui fait que vous ne pouvez pas y toucher, mais ça vous appartient. Ce qui est du reste assez vrai. Si vous allez, les gens qui ont acheté les Charmettes, là-bas, du côté de Chambéry, eh ben, ils n'avaient pas le droit de toucher à telle et telle chambre où avait couché Jean-Jacques Rousseau, n'est-ce pas? Mais ils avaient le droit de se balader dans le jardin des Charmettes, la propriété leur appartenait. Alors ce bonhomme avait eu le culot de leur dire, voilà, je vous vends, n'est-ce pas, la moitié de l'obélisque jusqu'à 2m50 de hauteur, l'autre moitié appartient à un autre monsieur. Et les gens achetaient ça, ils se considéraient comme propriétaires, ils payaient très cher, ils étaient contents. Ça, c'est deviné du reste ce truc, parce qu'un beau jour, il y a un monsieur qui avait acheté un morceau de la colonnade du Louvre. Mais alors, c'est un imbécile, il venait prendre le thé sur la balustrade. Le gardien se foutait dans une colère épouvantable. Un beau jour, ils se sont disputés, c'est arrivé. C'est comme ça qu'il a dit, mais ça m'appartient, cette colonne-là est à moi. Alors là, des quantités de gens sont venus, d'autres n'ont pas osé dire qu'ils avaient été ridicules en se laissant camper un morceau de Notre-Dame de Paris, n'est-ce pas, la gouttière qui est à droite, maintenant elle vous appartient. Et voilà. Alors là, nous avons passé des moments savoureux. Il y avait Moreno, il y avait Claude Dauphin, il y avait des quantités de gens tout à fait amusants et très bien. Et je crois que Marguerite Moreno faisait dans ses émissions souvent une coupable ou une pseudo-coupable, n'est-ce pas, une dame qui avait eu quelques ennuis avec la justice. Oui, oui, souvent. C'était un être délicieux, elle était très érudite, très intelligente, charmante. Oui, voyez-vous ce qui m'a peiné, c'est la fin de Marguerite Moreno. Elle est allée se mettre dans une propriété là-bas, qu'elle avait, je crois, donnée à son neveu. Alors elle a vécu la vie de famille. Je crois qu'elle était prête à tout sauf à vivre la vie de famille. Et je n'ai pas l'impression qu'elle a dû s'amuser follement. J'aime beaucoup mieux rester dans l'hôtel ici. Vous avez joué aussi avec elle au théâtre, bien entendu. Ah oui, beaucoup, dans une pièce de Jacques Deval, Ventose. Elle faisait la patronne et moi, la bonne. Ça représentait le grand soir à Paris. Alors ce jour-là, il y avait une révolution terrible dans les rues. Et je me rappelle le seul incident de scène, mais ça n'était pas arrivé à moi. C'était Madeleine Geoffroy qui représentait une dame qui montait brusquement dans l'appartement qui était la scène et qui disait, il y a eu à tel endroit, on a mis le feu à je ne sais pas quoi, enfin, des incidents de rue, bien entendu. Et elle devait dire, quand tout à coup, en arrivant à Saint-Philippe-du-Roule, et elle dit simplement cette chose idiote, en arrivant à Saint-Philippe-du-Rille. Mais ces gens n'ont plus parler pendant 5 minutes. C'est bête, on est comme des enfants en classe sur la scène. Oui, les acteurs étaient tellement heureux, n'est-ce pas, d'entendre parler de Saint-Philippe-du-Rille. Ils y sont restés. Et Marguerite Moreno elle-même, elle était, comment dirais-je, sujette aux blagues, ou est-ce qu'elle était... Elle était drôle dans la vie aussi. Ah, très drôle, ah oui, dans la vie, même beaucoup plus drôle qu'à la scène, car il n'y a qu'à la fin de sa vie, quand elle m'a enfin fait jouer des personnages comiques au lieu des personnages dramatiques. Généralement, elle jouait le cheminot, elle jouait un tas de choses comme ça. Elle a eu un répertoire assommant. C'est un pauvre... Le trac que vous me donnez en étant si gentil. Mes chers spectateurs, tout était préparé pour mon numéro de trapèze volant. J'avais fait un entraînement intense et prolongé. Et puis, aujourd'hui, ou plutôt hier, j'ai eu à la fois une matinée et une soirée. Et vous voyez qu'il est bien tard. Alors mes camarades, soucieux de m'épargner toute fatigue, m'ont dit qu'il valait mieux que ce numéro de trapèze volant, je le remette à l'année prochaine. Je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Et je vous assure que je continuerai mon entraînement avec ardeur et persévérance. D'ailleurs, je dois vous dire que j'ai toujours eu un penchant pour l'acrobatie. J'ai commencé ma vocation à l'âge de 6 ans et demi. Je vous laisse être des cuillères de voltige. Vous voyez, je commençais déjà vraiment bien. Alors un jour, profitant d'une relative solitude, mes frères absents, les bonnes parties, j'ai dérobé un escabeau que j'ai trouvé dans un couloir. Je me suis fait avec ma chemise de nuit et des rubans de cheveux un petit tutu. Et je me suis mis dans l'armoire à glace et je me suis élancé. Et je me suis retrouvé par terre avec le nez cassé. On l'a raccommodé sans le diminuer, hélas. Mais il a toujours une tendance à se pencher vers la droite. Alors maintenant, vous savez depuis quand j'aime l'acrobatie, avec quelle ardeur je la travaille. Je vous dis à l'année prochaine. Vous avez parlé à l'instant, Pauline, vous avez parlé de Jean Nohain. Jean Nohain, c'est un des pionniers de notre maison. Ah, quelle merveille. Oh, qu'on est heureux quand on travaille avec Jean Nohain. Alors ça, je ne peux pas vous dire comment on est heureux. Vous l'avez connu quand il était déjà avocat, n'est-ce pas? Quand il était encore avocat. Encore avocat, oui, ça doit être la fin. Oui, et alors c'était au poste parisien, et après j'ai travaillé énormément avec lui, avec un bonheur, et alors en voyage. On n'a d'abord pas le temps de dormir, mais enfin ça, on ne s'en aperçoit pas tellement il est charmant et agréable. Parce que c'est un homme infatigable. Enfin, dès qu'il arrive dans une ville, il organise tout. Il organise tout. Il est content, il connaît tout le monde. Ah, il est délicieux. Mais il vous fait de temps en temps des tours invraisemblables. Je me rappelle qu'un jour, comptant je ne sais pas quoi, sur la Providence, nous étions en coulisses tous les deux et on entend la ritournelle de Nuit de Chine, Alors il me dit, mon Dieu, elle n'est pas venue, il me pousse en scène et me voilà là. Si j'avais chanté Nuit de Chine, je ne sortais pas vivante du théâtre où nous étions. J'ai eu l'idée de me promener le long de la rampe en disant d'un air aspiré, vous reconnaissez cette ritournelle, ah, combien autrefois elle était charmante. Et je gagnais vers l'autre coulisse et en arrivant là-bas, j'ai dit, c'est un souvenir tout de même. Et la ritournelle était finie et moi aussi, c'était très bien. Et vous étiez sorti de scène sans dommage. Sorti de scène, voilà. Oui. Mais oui, parce que vous savez qu'il est extraordinaire pour ça. Il a une façon d'improviser brusquement au milieu de quelque chose. Mais tel qu'il est, je pense que la radio ne serait pas ce qu'elle est si Jean Nohain n'existait pas. Oh, il leur a apporté tout. Il leur a apporté les jeux. Il a su les organiser. Ça existait en Amérique, c'est entendu. Mais enfin, il les a organisés, il les a fait sortir. Et tout le monde en profite maintenant. La façon de questionner les gens, je me rappelle les premiers individus qu'ils questionnaient dans le poste parisien aux Champs-Élysées. Alors il y avait des dames qui montaient là, on disait, vous savez, c'est public, là-haut vous pouvez assister à l'émission. Alors elles assistaient à l'émission, on les faisait monter sur la scène et elles répondaient de travers. Elles répondaient à des choses étranges. Je me rappelle une chose, mais alors ça, moi, je n'ai pas été témoin. C'était Jean-Nohain qui me l'avait raconté, et Leclerc, de je ne sais plus dans quel pays, ils font monter 5 bonnes dames sur la scène et on leur pose des conditions extraordinaires. On leur pose des questions qui leur paraissent à elles tout à fait bizarres. On leur dit, qui est-ce qui a dit l'État, c'est moi? Rien du tout, personne ne répond, ils ne connaissaient pas ça. Qui est-ce qui a dit, ralliez-vous à Montparnasse blanc? Ils se regardaient en disant, ils sont fous, c'est normal. Enfin, on dit, qui est-ce qui a dit Paris vaut bien une messe? L'abbé Maillère. C'est merveilleux. Et dans ces cas-là, Jean-Noël est impayable parce qu'il garde son sang-froid. Voilà, il est magnifique. Il enchaîne. Il les félicite et il leur donne une récompense. Il leur dit, c'est très bien, c'est par lui, mais ça ne fait rien, c'est quand même très bien. Très bien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Eh bien, la saison radiophonique, comme on dit, se termine déjà. Et c'est la dernière fois ce soir que je vais avoir la très grande joie de me retrouver pendant quelques instants avec vous. Et alors, je remercie très simplement, mais de tout cœur, tous ceux et toutes celles d'entre vous qui, à l'occasion de ces réunions amicales, m'ont envoyé tant de témoignages qui m'ont profondément touché. Oui, tous ceux et toutes celles qui ont éprouvé des impressions pareilles à celles que j'ai ressenties moi-même au cours de ce voyage qui a commencé pour moi en 1900. Et voici donc qu'il faut conclure ce soir. Et figurez-vous justement que j'ai trouvé, pour conclure, une simple petite annonce de journal. J'ai toujours aimé la lecture des petites annonces. Vous savez, occasion, offre d'emploi, demande d'emploi, mariage. Ces petites annonces résument si bien, à mon avis, en tout petit caractère, tout le fourmillement de notre vie. Et que de drames souvent, dans cette littérature d'un genre particulier, que de drames en 3 lignes, condensés en style télégraphique. Dame certain âge, excellente référence, cherche place gouvernante auprès monsieur âgé. J'ai lu un jour avec mon frère Claude, dans un tout petit journal local d'un pays montagneux, la plus belle de mes petites annonces. Elle était ainsi conçue. On demande berger pour garder 1200 moutons, altitude 2000 mètres, fontaine à proximité, si pas sérieux, s'abstenir. Et nous nous demandions, Claude et moi, mais enfin, quel aurait pu être le berger pas sérieux qui aurait accepté de grimper à 2000 mètres d'altitude pour y garder tout seul 1200 moutons avec une fontaine à proximité. Et si je vous parle des petites annonces, c'est parce que c'est dans une petite annonce que j'ai découvert tout récemment la plus jolie définition de la vieillesse. Il s'agissait d'une petite annonce du journal L'Intermédiaire Forain. Les petites annonces de l'Intermédiaire Forain font mon régal chaque semaine. C'est là que vous pouvez trouver les meilleures occasions de puces savantes et de caniches calculateurs. Et j'avais repéré depuis longtemps, dans ces petites annonces, une attraction extraordinaire dont il était souvent question. Le mur de la mort. Je me rappelle même avoir découpé, avant la guerre, un avis conçu en ces termes. On demande un coureur pour mur de la mort, travail facile et bien rémunéré. et voici qu'il y a quelques semaines, en feuilletant comme à l'habitude mon cher intermédiaire forain, j'ai découvert dans un petit coin perdu trois lignes qui m'ont longtemps laissé rêveur. Voici l'annonce. Cause fatigue, je cherche à échanger mon mur de la mort en parfait état contre petit manège d'enfant, même usagé. Et j'imaginais si bien, voyez-vous, le bon vieux monsieur et la bonne vieille dame qui, depuis des années, dans le tourbillon des fêtes foraines, au milieu des cris et des musiques, présidaient paisiblement aux destinées de ce mur de la mort. Elle, la dame, à la caisse, et lui, casqué de cuir, et 15 ou 20 fois par jour, s'élançant sur une moto pétaradante pour boucler devant la foule ébahie quelques loopings savants. L'amour, ce fruit défendu, vous est donc inconnu. À cela se peut-il, joli petit bourgeon d'avril? Non, je ne l'ai jamais vu ni connu. Mais mon cœur ingénu me rattrapait battu tout le temps perdu. Ah, rien ne vaut pour s'aimer les grands palétuviers, chère petite chose. Ah, si les palétuviers te font entrétiner, je veux bien essayer. Ah, bien, soufflez pas. Mais je viens de ce pas et je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Viens en sourcier, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Ah, ton cœur me semble encore hésiter, cher trésor. Mais je veux tout oser pour un petit tout petit baiser. Un vertige m'éblouit, un baiser c'est exquis. Mais dès qu'il l'aura pris, je vais être pour lui l'objet du mépris. Non, le mépris, je t'en prie, ce n'est pas dans mes prix, car je suis pris mignonne. Mon cœur est tout en savoir, je te donne mon roi, mon corps au fond des bois. Ah, viens sous les pas. Je viens de ce pas et je vais pas à pas. Ah, suis-moi, veux-tu? Je suis ma tête sous les bons palétuviers. Viens sans sourciller, allons gazouiller sous les palétuviers. Ah oui, sous les palétuviers. Ah, je te veux sous les pas, je te veux sous les palétuviers roses. Aimons-nous sous les pas, tu prends-moi sous les laitues, aimons-nous sous les pieds. Si je comprends bien, tu me veux mon chien sous les grands palais. Tu viens. Pourquoi est-ce que les gens sont... Pourquoi sont forcés d'entendre cette chose qui est périmée si autant qu'il en fut? Mais non, cette chose n'est pas périmée, elle est très charmante, elle nous rappelle de très bons moments de la comédie musicale d'avant-guerre, et elle nous fait penser aussi, Pauline, que vous avez connu beaucoup de musiciens. Et ce délicieux comédien qui était Victor Boucher, et dont on n'a pas, si vous voulez, dont les jeunes générations n'ont pas une idée précise, parce qu'au cinéma, il n'était pas ce qu'il pouvait être au théâtre. Les jeunes générations le connaissent beaucoup plus que vous ne pensez. Moi, figurez-vous, il y a 5 ans, 7 ans, j'ai fait partie de une des nombreuses reprises des Vignes du Seigneur, qui était très bien montée. C'était Pierre Dux qui jouait son rôle et qui le jouait fort bien. Et là-dedans, n'est-ce pas, c'était très très bien arrangé, c'était très bien présenté. Quand le pauvre Pierre Dux, qui est plein de talent, oui, entrait en scène, la moitié de la salle disait, c'était le rôle de Boucher, c'était Boucher, c'est Boucher, moi j'ai vu Boucher, mon père avait vu jouer Boucher. On n'entendait que ça, la syllabe chéché, accrochait lui haut en bas de la salle. Ah oui, oui, parce que c'est terrible pour un acteur. Oh, mais il est exact, quoique Victor Boucher n'était pas très grand, son ombre est très grande, et que dans tous les rôles qu'il a créés, on est hanté par lui. Absolument, et puis alors dites-vous une chose, c'est que tout de même, il en reste une chose étonnante, c'est le disque de l'histoire là, des Vignes du Seigneur, la fameuse scène de l'ivresse. Et puis, lui-même avait une façon intacte, une subtilité pour dire les mots, n'est-ce oui, pas oui, oui, oh, il avait par exemple dans cette pièce merveilleuse de Sexe Faible, où jouait d'ailleurs aussi Marguerite Moreno, oui, quand on lui disait de s'asseoir, il faisait un maître d'hôtel. Oui, oui, quand on lui disait de s'asseoir, il avait une façon de répondre, il y a 22 ans que je ne m'assois pas. Ah oui, ah, c'est ravissant. C'était absolument merveilleux. Mais comment l'avez-vous connu, vous, Pauline Carton? Moi, très très peu, très peu. Je l'ai connu comme acteur, puis je crois dans un film. Mais sans ça, je n'ai jamais joué avec lui, jamais. Et vous l'avez, dans la vie courante, quel homme était-il? Ah, je crois qu'il était tout à fait charmant, très doux, très... Très nuancé, n'est-ce pas? Oui, et certainement très bon. Car il a fait une chose étonnante. Quand l'actrice Cherel est morte, elle avait un cancer et elle a mis 2 mois à peu près à finir sa vie. Et elle était dans un petit appartement qui était au-dessus d'un... Je vois ça encore, c'était boulevard Perrer. Et à ce moment-là, il était question de la mettre dans une clinique ou dans un hôpital. Et il a eu l'idée de tout payer pour qu'elle reste dans son appartement avec des infirmières la soignant. Ce qui est beaucoup moins impressionnant pour quelqu'un de malade qui meurt lentement. C'était très bien. C'était vraiment très chic. Oui, c'est quand même, oui, un geste qu'on ne rencontre pas tous les jours. Pas tous les jours, vraiment. Ce qui prouve que ce n'est nullement incompatible d'être à la fois un très grand acteur et un très grand monsieur, n'est-ce pas? Oh oui, mais c'était très bien, ça. Les théories d'Einstein, c'est de boire, comprends-tu? Parce que, suis bien mon raisonnement, en buvant, tu supprimes le temps et l'espace. Einstein, qui est ballot, celui-là. Allons, viens, tu ne sais plus très bien ce que tu dis. Allons, viens, mon vieux, non, viens. Non, mon vieux, non, je suis trop content ici. C'est qu'on est bien chez toi, tu sais, à Annecy. À Annecy. Annecy, chef vieux Savoie. Ah, je t'aime tant, mon pauvre vieux. C'est que je t'aime, moi, tu sais, Hubert. Et tu le crois, hein? Dis-moi que tu le crois. Mais oui, mon vieux, mais oui. Et puis, toi aussi, tu m'aimes bien, hein? Dis pas que tu m'aimes bien. Mais oui, mais oui, mais oui. On peut dire qu'on s'aime bien tous les deux, hein? On a le droit de dire qu'on s'aime bien tous les deux. Eh bien, eh bien. Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, mon pauvre vieux. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? Oh, mon pauvre vieux, mon pauvre vieux. Mais pourquoi pleures-tu comme ça? Parce que t'es cocu, mon pauvre. Qu'est-ce que tu dis? Parce que t'es cocu, mon vieux. Hein? Quoi? Ah, ça me fait une peine. Non, mais qu'est-ce que tu dis, Henri? Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'en ai un chagrin. Et note bien, Hubert, j'ai du chagrin, c'est pas tant parce que je couche avec Gisèle, remarque bien. Non, ça me ferait plutôt plaisir. Mais à la pensée, vois-tu, qu'un jour, tu pourrais te douter. Enfin, vois-tu qu'un cochon vienne tout raconter. Voyons, Henri, ça n'est pas vrai, hein? Tu mens. Non, je ne mens pas, Hubert. Non, je ne mens jamais. On est amant, mon vieux. On est amant. Et ça a commencé, tiens, à mon retour de Ceylan. Oh! Mais au moins, crois-moi, mon vieux. Dis, fais-moi l'amitié de me croire. Oh, nom de Dieu! T'énerve pas, Hubert. Faut tout de même rien exagérer. Tu n'es pas oublié dans tout ça. Moi, je lui dis toujours, il y a Hubert. Et puis après, je lui dis encore, il y a Hubert. Même figure-toi qu'un jour, elle a eu le toupet, tu entends, elle a eu le toupet de me dire « Tu me parles trop d'Hubert, tu l'aimes plus que moi !» Alors là, je lui ai répondu, et ça je te jure que c'est vrai, Hubert, je lui ai répondu « Toi, tu es jalouse, Hubert !» Parce que on se tutoie quand t'es pas là. Cochon, saligot, quand je pense à ce que j'ai été pour toi, à ce que j'ai fait pour toi, dans la vie, toujours. Ah, la vie, là, ne me parle pas de la vie, Hubert. Quand je t'ai connu, Hubert, t'avais un petit col marin. Mon meilleur ami. J'avais tant de confiance. Crapule. On a fait sa première communion ensemble, mon... Canaille. Et je te vois, tu sais, je te verrai toujours. T'étais gentil, tu sais, avec tous tes petits cheveux frisés. T'avais un beau petit cierge à la main. Et moi, j'en avais un tout pareil, mon... Mais ne pleure donc pas comme ça. Est-ce que je pleure, moi? Dis, est-ce que je pleure? Ben, tu devrais. On pourrait peut-être, Pauline Carton, terminer avec un personnage que l'on entend rarement. Je crois quand même qu'on ne l'a jamais entendu sur les antennes de France Culture. Il s'agit de Charpigny. Oh, le délicieux Charpigny. Oh, l'adorable Charpigny. Alors ça, on ne peut pas savoir combien il est gentil, combien il est agréable. Dans une troupe, il raccommode des gens qui ont envie de se foutre sur la gueule mutuellement. Il les met dans les bras les uns des autres. Tout le monde s'entend très bien autour de lui. Il est toujours de bonne humeur. Il est vraiment quelque chose. C'est un pacificateur. Ah, oh, il est exquis. Mais vous l'avez connu, vous, en tournée ou en... Non, moi, je l'ai connu à Paris, dans les revues qu'on jouait aux Capucines. Ah oui, car vous avez joué, évidemment, beaucoup de revues. Et Charpigny était un personnage de revue par excellence. Oh, par excellence, remarquable. Est-ce que vous avez un souvenir plus particulier à son sujet? Oh non, j'en ai trop de souvenirs avec lui. On est tellement heureux, on est tellement bien, on vivait tellement agréablement là-dedans. Qu'est-ce qu'il faisait? Il représentait des personnages célèbres dans ses revues ou bien... Ah là, il représentait d'abord le bébé Cadom, et puis il représentait une institutrice. Moi, je faisais la surveillante, ayant une classe de petites poules, là, qui était très gentille. C'était assez curieux, mais il était délicieux. On peut et pas comment avait-il eu l'idée de ce numéro assez extraordinaire qu'il faisait avec Brancato? Enfin, il avait découvert ce don de... Oui, c'est-à-dire qu'il avait été... D'abord, il avait joué des petits rôles comme tout le monde. Il m'a raconté ça, vous feriez mieux de lui demander à lui. Mais je me souviens de cette chose, c'est qu'il avait dans une opérette... Mais de qui déjà? Tout à coup, on lui avait confié un petit couplet à chanter. Il avait chanté ce couplet deux fois. Il y avait deux couplets, n'est-ce pas, dans la chanson. Une fois avec une voix masculine et une autre fois avec une voix de femme à l'octave au-dessus. Alors ça avait épaté les gens et ça l'a décidé à faire des... Et ça qui donnait cette idée. C'est car ça. Ce numéro, évidemment, était un numéro sans précédent. Oui, et alors il avait chanté là-dedans. En faisant deux voix, dans plusieurs opérettes, on lui a fait la même chose. Et puis, il a commencé à faire des numéros. Il a essayé un ou deux partenaires. Les uns avaient une voix beaucoup trop tonitruante et c'était désagréable. D'autres, au contraire, voulaient le suivre et ça n'allait pas. Et il est tombé sur Brancato et ça allait très bien. Et puis, alors, ce numéro est devenu avec, comment dirais-je, avec une discussion avec le public, n'est-ce pas, car il parlait beaucoup avec le public. Parce que Fréhel, c'est lui qui m'a raconté ça, Fréhel, un beau jour, était dans la salle, elle faisait partie, je crois que c'était au Bosphore, du même programme que lui, et elle va dans la salle, elle s'amuse à le taquiner. Lui, il lui répond, ça amuse énormément les gens, il l'en refait tous les soirs, et de là est venue cette chose, quand il prenait les gens à partie d'une façon très amusante. Si vous vous rappelez, quand il chantait le duo de Carmen, n'est-ce pas que l'autre chantait « Ma mère, je la vois », n'est-ce pas, il la cherchait au deuxième étage, il l'appelait « Madame Brancato », n'est-ce pas, il ne pourra pas arriver à la trouver, il était très malheureux. Oui, car il avait beaucoup d'esprit. Beaucoup, il en a toujours, il va très bien. Et l'originalité de ce numéro reposait au fond essentiellement sur son don d'improvisation. Oh, hein, extraordinaire. Une page de haute envolée de mon camarade Bizet, Carmen, le duo du premier acte, le duo de Michaela et Don José, la mise en scène de ce grand morceau est de qui? Et de Flandin, Because. Allons-y, Chopin. Parle-moi de ma mère. C'est vu que j'y dis à cette pauvre femme, je la connais à peine. Parle-moi de ma mère. C'est une idée fixe, enfin. J'apporte de sa part fidèle messagère cette lettre. Une lettre? Oh, j'ai changé de culotte, elle est dans l'autre, mon petit. Oh là là. Oh. Et puis un peu d'argent, hein? Pour ajouter à votre traitement. Et puis? Eh ben, la monnaie, voyons. La garde. Et puis encore une autre chose qui vaut mieux que l'argent et qui, pour un bon fils, aura sans doute plus de prix. Cette autre chose, quelle est-elle? Parle donc. Oui? Oui? Allez. Ben, une seconde, voyons, vous pousse, vous savez. Oui, je parlerai. Enfin. Ce que l'on m'a donné. Qu'est-ce que c'est? Une douzaine de caleçons en pilou avec fermeture éclair, assorti à ton petit porte-monnaie, mon petit José. Votre mère avec moi sortait de la chapelle, et c'est alors qu'en m'embrassant, tu vas, m'a-t-elle dit, t'en aller à la ville. La route n'est pas longue, une fois à Séville, tu chercheras mon fils, mon José, mon enfant. Tu chercheras mon fils, mon bébé, ce petit gourmand. Et tu lui diras que sa mère songe nuit et jour à l'absent. Qu'elle regrette et qu'elle espère, qu'elle pardonne et qu'elle attend. Tout cela n'est-ce pas mignonne, de ma part tu le lui diras. Et ce baiser que je te donne, de ma part, tu le lui rendras. Un baiser de ma mère. Un baiser pour son fils. Un baiser de ma mère. Un baiser pour son fils. José, je vous le rends comme je l'ai promis. Approche-toi, Jojo. Un baiser ventouse. Ma mère, je la vois, oui, je non. Revois mon village. Pas, moi. Aux souvenirs d'autrefois, aux souvenirs du pas, pays. Aux souvenirs du pays. Il nous voit à son village, aux souvenirs. Aux souvenirs chéris, pour emprunter son cœur de force et de courage. Souvenir chéri, ma mère, je la vois, je revois mon village.